une jolie fille qui est venue te demander. Elle a dit qu'elle reviendrait. Une jolie fille? Oui, elle portait une jupe bleue et une natte, je crois. C'est Michaela. Ce ne peut être que Michaela. Elle n'a pas dit son nom.